L'actualité des sciences, les s'aventuriers avec vous. Fabienne Chauvière, bonjour Fabienne. Bonjour Eric. On va commencer en musique, on sait qu'elle a de formidables pouvoirs cette musique et c'est en tout cas ce que pense cette chercheuse que vous allez nous présenter ce matin. Elle vient du Québec où elle est titulaire d'une chaire de recherche en neurocognition de la musique à l'Université de Montréal. Isabelle Perrette, ça fait de Montréal la capitale mondiale de l'étude du cerveau musical. Isabelle Perrette dirige depuis 2005 le Centre de recherche sur le cerveau, la musique et le son, un organisme qu'elle a fondé, et elle est l'auteur d'Apprendre la musique, un livre qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob. Et donc, pour cette chercheuse, il est important d'écouter de la musique. Oui, mais elle dit surtout qu'en faire est encore bien plus bénéfique pour le cerveau. En fait, c'est ce qu'on montre, apprendre à faire de la musique, pas à en écouter, mais à en faire. Et ça, j'insiste, c'est bien important d'en faire plutôt que de juste en écouter si on veut améliorer ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire toutes ces fonctions qui sont liées à la concentration, à la mémoire, à l'attention, tout ce qui est scolaire, en fait, et qui est essentiel dans d'autres facultés comme apprendre à lire, à compter. Donc oui, c'est montré que effectivement apprendre, l'éducation musicale ajoute à une plus-value en éducation. Et est-ce qu'on peut étudier en écoutant de la musique? En fait, c'est une question que beaucoup de gens se posent, y compris les parents qui voient leur enfant écouter avec la musique très forte quand ils étudient. Et la réponse n'est pas simple, c'est une question de dosage. Il n'y a pas une musique qui va effectivement être plus propice à l'apprentissage qu'une autre. Parfois, c'est le silence, mais le vrai silence, il n'existe pas. Donc, pour effectivement faciliter l'oubli de qu'est-ce qui est autour de soi et donc de se concentrer sur une tâche, une certaine musique peut être bonne pour la concentration. Mais c'est une question de personnel, c'est-à-dire que suivant l'âge, suivant les goûts musicaux, vous allez préférer un certain type de musique qui est plus propice pour vous. Évidemment, pas de paroles, généralement. S'il y a des paroles, alors là, il y a un petit problème. Ça peut vraiment créer des interférences si vous étudiez, parce qu'on utilise beaucoup la parole intérieure pour mémoriser ou pour apprendre, donc ça peut interférer. Et donc Fabienne, la musique transforme notre cerveau. Vous l'avez compris Eric, la musique a des effets sur la curiosité, l'attention, la mémorisation. Elle a des effets sur l'apprentissage de la lecture ou la pratique des mathématiques. Isabelle Perrette, chercheuse en neurosciences, s'intéresse à ce sujet depuis 30 ans, dans un domaine où il y a encore beaucoup de découvertes à faire. Une que j'aimerais vraiment découvrir, qui n'a rien à voir avec la science, mais que je pense la science n'a pas encore abordée, et que le fait que je sois retourner faire de la musique à cause de toute cette science en fait et que je joue avec d'autres, ce que je n'avais jamais fait quand j'étais jeune, j'étais soliste plutôt, c'est le plaisir incroyable de jouer en harmonie avec les autres, c'est-à-dire synchronisé. Plus on est synchronisé, c'est-à-dire qu'on est extrêmement apte à jouer en même temps que les autres, ce qui est une faculté absolument extraordinaire, très inconsciente, hein, on ne contrôle pas tout ça, et qui nous amène un plaisir aussi prononcé, spécifique, je dirais. Il y a un plaisir énorme à jouer avec d'autres. À la source de ce plaisir, qu'est-ce qu'il détermine? J'aimerais ça. Oui, ça c'est une question que j'aimerais bien aborder, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi portent vos recherches en ce moment? Je continue à travailler sur les amusies, plutôt du rythme que mélodique maintenant. Donc ces personnes qui ont une difficulté à suivre le rythme de la musique et voir dans quelle mesure ça touche le langage. Maintenant, je commence à travailler avec ceux qui apprennent plus vite, qui sont les prodiges musicaux. Mais là, c'est très risqué parce que on comprend rien du tout. Comment ça se fait qu'ils apprennent plus vite que les autres et si tôt? Alors, ça sont les grandes questions qu'on se pose actuellement. Oui, j'allais vous demander, qu'avez-vous découvert sur les prodiges musicaux? Eh bien, rien encore. On commence. Je rappelle ce livre « Apprendre la musique » d'Isabelle Perrette. C'est paru aux éditions Odile Jacob. C'était Les Saventuriers et c'est aussi sur franceinter.fr.